Chapitre 5e. Pendant que les jeunes mariés étaient en Suisse, Madame d'Alifard s'occupait de faire faire dans sa maison de Paris les changements nécessaires pour leur aménager un appartement convenable. Dès le lendemain de leur départ, elle avait convoqué son architecte, les entrepreneurs, le tapissier, et elle avait mis tout ce monde à l'œuvre, stipulant dans des marchés signés une prime pour le cas où les travaux seraient terminés avant un délai de 2 mois, et un dédit pour le cas où ils ne le seraient qu'après ce délai. À un moment, elle avait hésité sur le plan adopté pour ses travaux. Abandonnerait-elle son appartement à ses enfants en prenant pour elle le logement de garçon de son fils? Ou bien conservera-t-elle les dispositions de son appartement telles qu'elles avaient toujours été? C'était ce dernier parti qu'il avait emporté, et il avait été décidé par cette considération qu'il fallait conserver à son fils un logement où il fût libre. Sans doute il ne se servirait pas habituellement de ce logement, mais enfin il pouvait se présenter des circonstances où il serait heureux de le trouver, quand ce ne serait que pour recevoir ses amis. Il est vrai qu'en conservant les anciennes dispositions de son appartement, elle se trouvait habitée avec ses enfants, tandis qu'en prenant le logement de son fils, elle avait un chez-soi. Mais il ne lui vint même pas à l'idée que ses enfants pouvaient avoir le désir d'être seuls et libres chez eux. En quoi les gênerait-elle? Sa présence, au contraire, ne pouvait que leur être avantageuse. Elle surveillerait mieux les domestiques et Juliette, peu apte à ce rôle de maîtresse de maison, serait assurément bien aise de se débarrasser sur elle des petits soins et des ennuis du ménage. Une artiste, ce serait un beau gaspillage. Elle abandonna donc son appartement aux ouvriers, et pendant les travaux, elle habita le logement de son fils auquel rien n'était changé. En 2 mois, la maison de la rue des Vieilles Audriettes fut complètement transformée. Peinture, teinture, tapis, il n'y eut rien qui ne passait par les mains des ouvriers. Quelques jours avant l'arrivée de ses enfants, Madame d'Alifard fit écrire 2 lignes à Madame Nélis pour la prier de venir voir ses transformations, c'est-à-dire pour les approuver. Mais si la belle-mère qui avait tout ordonné était en disposition de tout admirer, la belle-mère qui n'avait été consultée sur rien était par contre en disposition de tout critiquer. Cet antagonisme se manifesta dès l'entrée. « J'ai voulu, dit Madame d'Alifard, que mes enfants eussent un appartement digne de leur jeunesse, et bien que celui-ci fût encore en excellent état. « De quelle époque datait-il ? Interrompit Madame Nélis. « De mon mariage. « C'est-à-dire de 30 ans. « Sans doute. Mais comme je n'avais alors économisé sur rien, et que j'avais choisi ce que j'avais trouvé de meilleur et de plus cher, je le pouvais puisque je payais tout de ma propre bourse. Ce mobilier devait durer 100 ans. Cependant, je l'ai renouvelé. Voici le vestibule. Comment trouvez-vous ce velours d'Utrecht? Je l'ai acheté directement en fabrique à Amiens. Ah, mon Dieu! S'écria Madame Nélis en levant les bras au ciel. Eh bien quoi? Qu'est-ce que dira ma fille? Que voulez-vous qu'elle dise? C'est vrai, elle ne dira rien. Elle est trop discrète. Mais elle n'en souffrira pas moins, et d'une douleur qui se réveillera chaque jour. Pouvez-vous vous expliquer? Vous le voulez? Vous voyez bien que vous m'exaspérez. En quoi ce vestibule vous déplaît-il? En quoi doit-il faire le malheur de votre fille? Il n'est pas assez riche. Si j'avais su que Juliette était habituée au drap d'or, j'en aurais fait tisser une pièce exprès pour elle. Voilà que vous vous fâchez, et vous avez bien tort. De vieilles amies comme nous ne doivent-elles pas se parler franchement? Mais c'est là ce que je réclame. Eh bien, vous avez recouvert en velours d'Utrecht un meuble en acajou, ce qui est tout simplement une hérésie. Laissez-moi tranquille avec votre hérésie. Pour vous, je comprends que ce que vous avez fait là soit sans importance et vous êtes excusable, puisque vous avez agi sans discernement. Mais pour un artiste, c'est un crime, un véritable crime, et ma fille est une artiste. Madame d'Alifard haussa les épaules et, sans répondre, passa dans la salle à manger qui, elle aussi, avait été remise à neuf. « Que trouvez-vous encore à blâmer ? » demanda-t-elle. Mais Madame Nélis fut tellement éblouie qu'elle ne trouva pas un mot de critique. Madame d'Alifard avait assurément la plus belle vaisselle d'or et d'argent de tout Paris, car toutes les fois depuis 30 ans qu'une pièce extraordinaire lui avait été apportée, au lieu de l'envoyer à la fonte, elle l'avait soigneusement conservée. Toutes ces pièces, exposées sur des dressoirs, faisaient de la salle à manger un véritable musée, qui, au point de vue historique aussi bien qu'au point de vue artistique, avait une valeur considérable. Mais dans le salon, Madame Nélis, un moment réduite au silence, reprit ses avantages. Il y avait en effet dans l'ameublement des fautes de goût à faire crier un sauvage. « Ah, vous avez choisi une étoffe de soie cerise, » dit-elle en se contenant. « Mon fils aime cette étoffe et cette nuance. C'est fâcheux car ma fille a la soie en horreur. J'ai pensé au goût d'Adolphe. J'espère que Juliette voudra bien lui sacrifier ses préjugés. Ce n'est pas chez elle affaire de préjugés, mais affaire d'éducation. Enfin, les goûts de mon fils étaient à considérer. Et ceux de ma fille ?» Mais toutes deux en même temps s'arrêtèrent car la discussion ainsi commencée pouvait aller trop loin. Elles le sentirent et d'un commun accord détournèrent le danger. Madame Nélis déclara même la pendule admirable et le piano magnifique. Malheureusement, dans la chambre à coucher, la guerre recommença et cette fois les coups partirent si vite qu'il ne fut pas possible de revenir en arrière. « C'est la chambre d'Adolphe ?» demanda Madame Nélis. Celle d'Adolphe et celle de Juliette. Comment ? Vous croyez que ma fille partagera la chambre de votre fils ? Et même son lit ? À cela, jamais ! Mais pourquoi se sont-ils mariés alors ? Est-ce que vous partagez la chambre de M. Dalifard ? Moi, c'était bien différent. En quoi ? Ne me forcez pas à vous dire que ma situation n'était pas celle de votre fille. Il y a des choses d'éducation contre lesquelles rien ne prévaut. Dans notre famille, on a toujours eu deux lits. Dans la mienne, on n'en a jamais eu qu'un. Vous acceptez ? Sans doute. Mais vous ne voulez pas, je pense, établir de comparaison entre Adolphe et son père. Est-ce que vous voulez me dire qu'Adolphe est le fils du Saint-Esprit ? S'écria Madame Nélis, exaspérée. Je vais vous dire simplement que j'avais choisi mon mari dans des conditions à peu près semblables à celles où Adolphe a choisi sa femme. Et j'ai imposé mes conditions comme mon fils impose les siennes. J'écris à mon fils les dispositions que je prenais. Il ne m'a pas demandé de faire arranger deux chambres. Je n'en ai donc fait arranger qu'une. Si votre fille ne veut pas la partager avec son mari, elle s'en expliquera avec lui. Ce n'est pas mon affaire. Mais moi, c'est mon affaire de défendre ma fille, qui n'a pas assurément été prévenue de cette disposition. Ne nous plaçons pas entre le mari et la femme. Il me semble que si quelqu'un intervient entre le mari et la femme, c'est vous qui, d'avance, disposez de la volonté de ma fille. J'ai agi conformément au désir de mon fils, et contrairement à ceux de ma fille. Je ne les connaissais pas. Il me semble que vous auriez pu me les demander. Comme c'était mon appartement que je donnais, comme c'était mes ouvriers que je mettais en travail, comme c'était mon argent que je dépensais, je n'ai pris conseil que de moi. Il me semble que votre fille ne sera pas bien malheureuse, en arrivant de voyage après 3 mois de plaisir, de trouver une maison montée qui ne lui aura rien coûté, et dans laquelle elle n'aura qu'à étendre la main pour prendre ce qu'elle pourra désirer. Car mes soins ne se sont pas bornés aux seules choses extérieures. Ouvrez les placards, vous les trouverez pleins de vaisselle. Allez à la cave, vous la trouverez pleine de vin. Ouvrez ses commodes et ses armoires, vous les trouverez pleines de linge. Regardez dans cette table de toilette et cherchez s'il y manque quelque chose. Allons, cherchez, cherchez bien. Madame Nélis ne répondit rien à cette sortie véhémente, mais elle secoua la tête. « Vous ne croyez pas, je l'espère, » continua Madame Dalifard, « que c'est pour moi que j'ai fait ces changements. Pendant 30 ans, j'ai vécu heureuse dans cette maison, et j'y serais morte sans vouloir toucher à rien. Ce que j'ai fait, ce que j'ai dépensé, c'est pour mon fils, c'est pour votre fille, qui, quoi que vous disiez, n'était pas si grande princesse qu'elle ne put vivre où j'avais vécu, moi. Quand ils arriveront ici, je leur remettrai les clés dans la main et je me retirerai dans la seule chambre que je me sois réservée, celle que j'habite depuis 30 ans. Et si votre fille ne se trouve pas à l'aise dans l'appartement que je lui abandonne, je lui céderai aussi cette chambre. Elle pourra la prendre pour elle. Je ne me plaindrai pas plus pour cela que je ne me suis plainte jusqu'à présent. J'aurai comme toujours la conscience d'avoir fait plus que je ne devais. Et croyez-vous, dit Madame Nélis après un moment de réflexion, qu'il faut faire toujours plus qu'on ne doit. J'ai vu des gens qui trouvaient mauvais qu'on voulût les faire heureux et qui demandaient à se charger eux-mêmes de ce soin. Des imbéciles, dit Madame Dalifard, ou des ingrats.